Bienvenue dans votre cyber-revue de presse, l'autre monde. Chers auditeurs, une dose de lucidité hebdomadaire pour stimuler la réflexion et inviter à l'action, tel est notre motto, notre modus operandi. Nous en sommes à l'édition du 20 mai 2010 déjà. Oui, le temps passe et nous entamons l'été. En tout cas, ici en Asie, il fait très chaud. L'été est arrivé, il fait autour des 30 degrés. Alors, je sais aussi que dans votre coin, il ne fait pas si mal. Voilà, vous êtes à l'écoute de Choc FM, la radio officielle de l'UQAM, l'alternative à Montréal et dans le monde. Et je me nomme François Marginal, je serai avec vous pour la prochaine heure et demie pour décortiquer l'actualité. Alors, nous allons parler d'actualité, nous allons parler aussi du Moyen-Orient, nous allons faire un tour du monde, on va parler aussi d'Asie, un paquet de trucs qui se passent, on va faire un retour aussi sur le dossier du volcan de pétrole qui gicle sans arrêt au fond du golfe du Mexique. Alors, on va faire un retour sur les dernières informations pertinentes à ce sujet. Et on devrait, après ça, tranquillement voguer vers l'économie, alors en espérant avoir suffisamment de temps. Alors, tout le temps, beaucoup d'informations ici à l'autre monde. Alors, ne vous en faites pas, c'est comme ça, chaque émission, les habitués le savent. Vous avez, comme d'habitude, toutes les informations qui vont être en lien sur le blog Les Nouvelles Internationales, qui est en lien avec l'émission L'Autre Monde, et sur la page aussi Internet de L'Autre Monde du site de Choc FM. Alors, vous pouvez tout trouver ça là-bas. Allez explorer les articles par vous-même, prendre le temps de les lire. Alors, moi, je fais qu'apporter, là, d'attirer votre attention, finalement, sur ces articles les plus importants qui sortent de la semaine. Et puis, je vous donne quelques détails, et puis après ça, c'est à vous d'aller faire le reste, quoi, aller vous informer. Voilà, donc on va y aller tranquillement avec l'actualité, beaucoup de choses qui se passent. Et on va commencer avec des petites nouvelles tranquilles. On parle ici des scientifiques qui prédisent qu'on risque d'avoir des nuages de suie, si on veut, de poussière et de fumée venant des volcans de l'Islande qui devraient durer pour des décennies à venir. Alors, ce qui se passe, c'est que on est en train de se rendre compte que le volcan qui a fait éruption il y a quelques semaines et puis qui a causé beaucoup de problèmes avec le trafic aérien risque de s'amplifier avec le temps. On a un peu ici là un article qui nous explique que ces choses-là arrivent par cycle régulier, c'est-à-dire l'éruption des volcans. On en compte 205 éruptions en Islande qui suivent, si vous voulez, une ligne dans le temps. Alors, on a trouvé que ce sont des cycles réguliers. Ça fait longtemps qu'on sait ça. Alors, on a des zones, des moments où les volcans sont plus tranquilles, en phase dormante. Et puis, les cinq dernières décennies, Ça a été dominé par cette période calme, si on veut, et puis elle arrive à une fin. Alors, nous allons commencer une période d'activité accrue, de l'activité volcanique en Islande. On dit qu'on a au moins trois autres très gros volcans en Islande qui sont en train de bâtir une pression intérieure et qui se dirige vers une éruption éventuelle. Alors, ça a été rapporté par un monsieur qui s'appelle Thordarson, qui est un volcanologue de l'Université d'Edinburgh. Donc, des volcans à venir, plus d'activités. On a vu beaucoup d'activités sismiques aussi accrues ces dernières années. Alors, on croit bien que c'est en lien aussi, je crois. Alors, on y va maintenant avec, on va y aller du côté un peu économique. On va y revenir plus tard dans l'émission, mais une nouvelle ici assez importante que j'ai trouvée qui vient du Mécanopolis, qui est un site Internet, un blog très intéressant. Et ici, on a un article là, qui s'appelle Bruxelles instaure une dictature économique dans la zone euro. Un article très important à lire que j'ai d'ailleurs aussi recopié sur les nouvelles internationales en intégrale parce que bon, ça vaut la peine d'en faire la lecture. Grosso modo, on parle dans cet article-là que, au mépris des droits du Parlement et de la volonté des peuples, la Commission européenne et l'Eurogroupe et la BCE, qui est la Banque centrale européenne, ont proposé au courant de la semaine passée, de placer la mise sous tutelle économique de 16 pays de la zone euro. Et puis, à l'annonce de cette conférence aussi, on a également profité de cette occasion pour présenter le nouveau logo de l'Eurogroupe, dont la symbolique, dit le Mécanopolis, nous laisse perplexe. Et puis, je vais vous dire, effectivement, on a encore ce type de logo qui représente clairement un œil. Et puis, on fait souvent référence à cet œil de la pyramide qu'on retrouve à l'endos des dollars américains, et puis cette fameuse pyramide, finalement, cet œil qui voit tout, qu'on parle, que ce soit du Nouvel Ordre mondial ou de l'élite, ou appelez ça comme vous voulez, le gouvernement mondial. Il y a tout le temps cette symbolique qui revient, et puis qui est indiscutable, et qui est quand même assez troublante. On la voit tout le temps, là. Donc, on voit tout le temps, c'est un peu la même clique qui est derrière toutes ces affaires-là. Alors, on dit que le président de la Commission, José Manuel Barroso, se garde bien de parler de gouvernement économique. Il a d'ailleurs raison, car le terme exact serait plutôt dictature économique, dit l'article du Mécanopolis. Le projet a le mérite d'être clair. À brève échéance, les budgets des pays de la zone euro sont entièrement contrôlés et décidés par un triumvirat composé de la Commission européenne, de la Banque centrale européenne et de l'Eurogroupe. Le Parlement de Strasbourg sera totalement écarté des décisions, même à titre consultatif. Les pays récalcitrants se verront amendés par Bruxelles et leurs droits de vote seront suspendus. Alors, voyez un peu, là, on se dirige vraiment vers une dictature de facto, c'est-à-dire qu'on est en train de centraliser le pouvoir et puis de l'arracher des mains des pays, des souverains, des pays souverains. Alors, on est en train de créer une superstructure antidémocratique, c'est-à-dire sur laquelle les populations des différents pays qui composent l'Union européenne n'ont aucun pouvoir de vote, aucun pouvoir décisionnel ou quoi que ce soit. Donc, on se rend compte là qu'à quelque part, on est en train de créer vraiment des structures supranationales qui prennent la forme de gouvernements régionaux et gouvernements mondiaux éventuellement. Et ça, évidemment, ça fait un peu référence à ce dont je parlais la semaine passée. Avec cet accord entre l'Union européenne et le Canada. Alors, voyez un peu là dans quel sens toutes ces choses-là vont. Donc, tout ça est connecté. Il n'y a pas rien là qui est d'un hasard là-dedans. Donc, c'est évidemment là à garder à l'œil. Donc, on dit toujours dans cet article que c'est bien sûr la crise grecque et les attaques en cours contre le Portugal et l'Espagne qui servent de prétexte à cette abolition pure et simple de la démocratie européenne, préparée de longue date et que la récente ratification du traité de Lisbonne permet de mettre en œuvre aujourd'hui. Alors, Louis, le fameux traité de Lisbonne qui s'insère aussi dans cette lignée d'efforts de cette clique. Je dirais là de control freak là, qui réellement là veulent mettre la main sur le pouvoir et puis instaurer des superstructures de gouvernance qui sont à l'écart finalement de la démocratie, de la portée décisionnelle des populations des différents pays. Alors oui, c'est ça va tout dans le même sens. On dit ici que les États membres doivent avoir le courage, c'est Barroso qui déclare ça, okay? Donc on parle ici de l'Europe aura un régime policier et on déclare ici que les États membres doivent avoir le courage de dire s'ils veulent une union économique ou pas, a prévenu mercredi José Manuel Barroso dans un discours d'une brutalité insensée, décrit l'article du Mécanopolis. On cite ici, s'ils ne veulent pas d'union économique, alors il faut oublier l'union monétaire. Nous devons nous attaquer aux racines du problème, le renforcement de la coordination des politiques économiques. Alors, le message est limpide et puis ça revient un peu à la fameuse pratique de George Bush qui disait c'est soit que vous êtes avec nous ou vous êtes avec les terroristes. Alors, on dit finalement ici, c'est soit que vous êtes avec nous ou ben non, vous n'êtes pas avec nous. C'est donc bien un régime policier qui est en train de se mettre en place. La crise actuelle est utilisée pour constitutionnaliser le libéralisme et qu'aucune résolution démocratique n'aurait concédé. La souveraineté des nations et des peuples est de fait morte et enterrée. L'Allemagne, qui, comme nous l'avons indiqué à plusieurs reprises dans un jeu de poker menteur, avait laissé entendre qu'elle était attachée aux souverainetés nationales, une stratégie qui n'avait pour seul objectif d'imposer son dictat, et a finalement retrouvé ses penchants impérialistes naturels. La chancelière allemande Angela Merkel a parlé d'un pas important dans la bonne direction. Oui, Merkel qui réellement là n'est pas du bon côté de la clôture, ça c'est évident. Même si cela signifie que le droit du Parlement soit quelque peu remis en cause. Alors voilà, quelque peu, il faut se pincer pour le croire. La France fait presque pire par la voix de son secrétaire d'État aux affaires européennes qui s'appelle Pierre Lellouche, qui a déclaré, lui, c'est la contrepartie du plan européen de sauvetage. La discipline de chacun devient l'affaire de tous. Bruxelles aura le droit de surveiller tous les comptes. Alors, vous voyez, là, on est en train de se donner des suprapouvoirs qui vont transcender les souverainetés des pays. D'autres collabos mondialistes se sont empressés de soutenir le projet, tels que Pierre Moscovici, député socialiste et ex-ministre des Affaires européennes, pour qui la Commission semble enfin se réveiller. C'est une idée juste, déclare-t-il. Même son de cloche de la part du vendu Daniel Cohn-Bendit, eurodéputé d'Europe écologie, qui affirme sans avoir honte que l'Union européenne décide des budgets, ne me choque pas. Alors, voyez, là, finalement, les pays n'ont plus contrôle sur l'économie, n'ont plus contrôle sur les décisions les plus importantes là, qui affectent leur population, le pays en entier. C'est un peu aussi les raisons de toutes les révoltes qui se passent, surtout en Grèce et notamment dans d'autres pays, autant au Portugal, en Espagne. Ça commence à brasser un peu partout. Et on est en train de se rendre compte, finalement, qu'à l'échelle d'un continent, les temps n'ont jamais été aussi pré-révolutionnaires. On risque d'assister à un été très chaud et évidemment que ça risque de se propager ici en Amérique du Nord, plutôt notamment aux États-Unis. Plus que jamais, nous devons garder à l'esprit ce fait d'expérience que l'action de quelques individus ou de groupes humains très restreints peut, avec un peu de chance, de rigueur et de volonté, avoir des conséquences incalculables. Alors, allez lire cet article, très intéressant. Ensuite, ici, on a un article qui va un peu dans cette ligne-là aussi, où on apprend qu'on a un leader européen de l'Union européenne qui publiquement essaye de tordre le bras du Canada pour pousser le Canada à lever des frais bancaires et puis différents autres plans pour concernant finalement la thèse du réchauffement climatique, là, c'est-à-dire pour combattre le réchauffement du climat. Alors, vous avez le président du Conseil européen qui s'est engagé dans une campagne publique, là, comme je disais, de tordage de bras du gouvernement Harper en avance, là, en prévoyant les sommets du G8 et du G20 qui vont se dérouler au Canada. Donc, on essaye, vous voyez encore là tous ces accords-là, vous voyez là toutes les ententes qu'on fait, et puis ça nous ouvre, ça nous expose à, on essaye d'harmoniser les différentes lois, et puis on va se retrouver finalement à la merci de des pouvoirs qui vont décider de nos politiques, hein. Donc, on s'engage dans cette voie-là, et puis on voit déjà que ça commence à avoir des effets dans la réalité. Alors, les Européens qui se mêlent de nos affaires, ils vont nous dicter quoi faire avec nos politiques concernant le climat et quoi que ce soit d'autre. Alors, même si tout ça est une fraude totale, ça, c'est à surveiller aussi. Ensuite, on parle d'un CEO qui prédit l'Armageddon des marchés, et lui, il prédit que la Dow Jones devrait baisser à 5 000 points. Vous avez des experts aussi qui avaient à un moment donné prédit, ça fait au-dessus d'un an, ça, qu'à un moment donné, les prix de l'or, les cours de l'or, des métaux précieux risquent de croiser la valeur du Dow Jones. Alors, ça, c'est un monsieur qui s'appelle David FT du Cornerstone Wealth Management, qui, lui, est d'accord avec un nombre grandissant d'experts financiers qu'un autre effondrement, si vous voulez, du secteur de la construction et secteur des prêts immobiliers sont à la veille de tomber, sont à la veille de s'effondrer en Chine d'ici la fin de l'année. Alors ça, c'est une autre histoire aussi en Chine. La Chine qui est un grand créditeur et puis qui est aussi souvent attribué le rôle d'avoir maintenu à flot, en quelque sorte, l'économie mondiale avec son économie complètement folle, complètement emballée. Et ce que beaucoup commencent à dire, et on commence à dire aussi il y a quand même un certain temps, là, si on écoute les bonnes personnes, c'est qu'il risque d'avoir une sacrée bulle économique, encore là, une sacrée bulle financière qui risque d'éclater en Chine. L'économie en Chine, la croissance qu'on a connue là-bas est due à un boom de la construction, c'est-à-dire qu'en Chine, et même ici à Taïwan, on construit partout. Okay? En Chine, c'est encore pire. Là, on se retrouve avec des villes qui sont littéralement vides. Okay? On construit des nouvelles villes au complet, là. Et puis, il n'y a personne qui habite dans ces villes-là, ou très peu de personnes. Donc, vous avez des villes quasiment désertes. Et c'est assez spécial. Alors, réellement, ce qui va arriver, c'est qu'à un moment donné, cette bulle-là va éclater et puis ça risque de faire un sacré raz-de-marée dans l'économie mondiale. Alors, ce qui risque d'entraîner, évidemment, aussi tous les marchés mondiaux et dont la Dow Jones. Alors, vous avez même Mark Faber qui a déclaré au Bloomberg à New York, la Chine pourrait s'écrouler d'ici les 9 à prochains mois, un sentiment qui est partagé aussi par Jim Chanos, qui est un hedge fund manager, et puis Kenneth Rogoff, qui est un enseignant à l'université de Harvard. Alors, vous avez aussi Nouriel Roubini, qui a aussi averti que l'économie chinoise faisait face à un risque d'un ralentissement significatif. Oui, c'est à surveiller. Voyez, là, on n'en a pas fini. Ça fait longtemps que je le dis ici. On a connu une première vague, une première crise qui a commencé à se dérouler en 2008. C'est poursuivi en 2009, mais on va avoir aussi une deuxième vague qui risque, sinon, qui va réellement être plus énorme, plus dévastatrice que la première. Et ça, c'est à venir dans les prochains mois. C'est pas mal clair. Vous avez un article ici qui vient aussi qui s'appelle le Corporate Crime Reporter qui cite les 100 corporations criminelles de la décennie. Alors, ça aussi, c'est assez intéressant de voir que les grosses compagnies qui sont traînées en cour et qui sont condamnées pour activités criminelles ne représentent que la pointe de l'iceberg de tout ce qui se passe au niveau corporatif. Vous avez pour chaque compagnie qui a été jugée coupable de fraude, vous en avez des centaines d'autres qui réussissent à s'en tirer les mains propres en fraudant le système d'une façon ou d'une autre. Vous avez une quantité incroyable de compagnies qui polluent et puis qui font toutes sortes d'exactions, toutes sortes de crimes face à la loi. Et puis, vous avez, comme je vous dis, une compilation de 600 compagnies, mais il ne faut pas oublier que ça fait plusieurs de ces compagnies-là qui sont extrêmement bien connues, qui sont des récidivistes aussi. Et s'ils s'en tirent, alors, plus vous êtes gros, plus vous passez au-dessus de la loi. C'est l'effet inverse de la gravité. Vous avez aussi un reportage ici, le Kaiser Report, que j'ai commencé à vous parler il y a quelques semaines aussi, que j'ai découvert un ancien trader de Wall Street, très intéressant, Max Kaiser, qui a maintenant une émission et qui a une façon assez honnête et assez intègre de décrire les choses telles qu'elles sont, une personne qui est de l'intérieur, qui sait comment le système fonctionne. Et puis, vous avez une émission ici qui était concentrée au futur de la Chine. Alors, on parlait de la Chine, donc c'est un autre ici là, une vidéo à aller voir qui est assez intéressante, qui vont vous expliquer là qu'est-ce qui se passe et comment que justement les économies pourraient s'effondrer dans l'Occident sous le poids de leur dette. Hein? Donc, on sait que nos nations aussi sont en train de crouler sous les dettes. Et ben là, vous allez voir que, tu sais, vous allez comprendre là, que là-dedans, la Chine semble être la solution, mais ne l'est pas, au risque en tout cas de s'écrouler puis d'entraîner le reste de l'économie mondiale avec. Alors, voilà, donc ça, c'est une autre chose. Vous avez aussi cette histoire dont je parlais la semaine passée de la chute de 1000 points de la Dow Jones en l'espace de quelques secondes. Alors, on se demandait d'où ça venait. J'avais soulevé l'hypothèse que c'était probablement la Fed qui avait envoyé un signal au marché, qui avait envoyé un signal aux congressistes et puis à Obama de ne pas approuver le nouveau projet de loi, d'ouvrir les livres de la Fed pour l'inspection, pour savoir vraiment qu'est-ce que la Fed fait, comment qu'elle gère l'économie américaine. Alors, on a passé un substitut, on a passé un projet de loi qui est édulcoré, qui est coupé à l'eau et qui ne va pas aller vraiment loin. Et puis, finalement, ben là, on apprend cette semaine que le gros mystère de celui qui a vendu les contrats, les future contracts, ce qu'on appelle ça en anglais, alors les ventes futures sur le marché, était lié à une compagnie qui s'appelle Waddell & Reed Financial Incorporated, selon un document qui a été obtenu par Reuters. Et on apprend que la firme a fait une très large vente de mini-contrats durant une période de 20 minutes. Et ce qui a fait que le marché d'équité américain a réellement plongé et entraîné finalement complètement, là, je dirais, nettoyé, vaporisé une valeur d'environ 1 trillion de dollars de capital, de valeur de marché, selon les documents internes du CME Group Incorporated. Alors, vous avez les régulateurs des marchés boursiers qui se sont mis à se tourner vers ce cas-là, et puis on a vu que la compagnie avait mis en vente 75 000 de ces, ce qu'on appelle des e-mini contracts. Écoutez, c'est quand même spécial. Hein, là, si on croit que cette histoire est véritable, vous devez comprendre qu'il y a quand même aussi des choses qui sont quand même assez étranges, et c'est que la chute de 1 000 points qui s'est passée la semaine passée était quand même un événement réel et qui a été bloqué. Alors, ce qui est arrivé, c'est que réellement, on a bloqué cette chute-là. Et ensuite, on l'a effacé, OK? Donc, ce qui réellement révèle que le fait du marché est pipé, c'est-à-dire les dés sont pipés. Le marché, ce qu'on appelle le libre marché, réellement, là, on dit que les marchés boursiers, c'est réellement, là, c'est pas contrôlé, ou sinon, c'est un peu comme si on disait que le casino, ben non, n'importe quoi n'est pas, ben quoi, je disais mauvais exemple, le casino, parce qu'on sait que le casino et dans un certain sens, là, est réglé pour gagner plus d'argent qu'en perdre. Alors, c'est un peu de la même façon aussi que ça se passe sur les marchés boursiers. Puis, on se rend compte qu'il y a des manipulations directes dans notre visage qui se sont passées et qui montrent réellement que le marché peut être manipulé à souhait. Alors, c'est quand même un point non négligeable à considérer ici. Vous avez un économiste qui s'appelle Tim Madden qui, lui, dans un article, décrit comment, qu'est-ce qu'on appelle en anglais les pigs. Alors, là, vous avez le Portugal, l'Italie, la Grèce, l'Espagne et l'Islande, qui décrit, lui, dans cet article-là, comment que les oligarques sont en train de, si vous voulez, justement, piper les dés, et puis en train de vandaliser, de voler carrément les économies. Alors, vous avez une série d'articles de quatre à les lire, qui est assez intéressant. Tim Madden, c'est un économiste avec une expertise dans le système bancaire et sur le crédit. Et il explique justement comment que le système bancaire et puis les banques qui sont finalement privées, les banques centrales privées, sont en train d'ingénérer ces effondrements de l'économie. Et pour en profiter, alors on parle ici là, de démolition contrôlée des économies. Et dans le but de faire quoi? Dans le but de justement spolier, de voler carrément la richesse de différents pays. Alors on va tout y passer, on est en train de tout y passer. Ça, c'est une série d'articles très importants d'aller voir. Un article ici, une alerte à l'inflation qui dit que les coûts ont monté de 18,7 %, que la dollar est une illusion par rapport à l'or. Alors, ça aussi, on va parler dans l'économie au niveau de ce qui se passe avec les cours des métaux précieux qui sont en une hausse fulgurante. Ici, une affaire assez intéressante. En Australie, vous avez on dit dans l'article, des centaines de milliers de personnes qui sont vraiment fâchées, qui sont en colère, des consommateurs qui sont tannés de payer des frais bancaires. Alors, on est en train ici de mettre en place une poursuite judiciaire. Alors, on va contester ces frais bancaires et puis on va essayer de faire en sorte que les banques vont avoir à rembourser des millions de dollars de frais aux utilisateurs. Alors, oui, c'est une fraude. Les banques font des millions, c'est pas des millions de dollars, et puis sont là à vous charger des cinquantaines, des dollars par-ci, 2 $ par-là. On charge des frais pour n'importe quoi, puis on vous dit que c'est nécessaire pour faire rouler les opérations. Alors, vous avez une couple de personnes ici en Australie qui commencent à comprendre que non, réellement, c'est des affaires qui sont inutiles et qui nous appauvrissent pour rien, là. Déjà que les banquiers profitent tellement de notre argent, je veux dire, si en plus ils se pensent obligés de nous charger des frais. Alors voilà, quoi, des gens qui prennent des actions, alors j'en parle, c'est le fun de voir des personnes qui passent à l'action et puis font de quoi au lieu de juste chialer de rester assis chez eux. Facebook, très intéressant ici. Facebook, ça fait plusieurs années que j'en parle. Écoutez, Facebook, c'est vraiment l'enfer, là. Je veux dire, c'est comme aller porter vos informations directement à la police. Ça a été fondé avec l'aide de la NSA aux États-Unis. On sait que toutes vos données privées sont conservées, même si vous fermez votre compte chez Facebook. On continue de garder vos données pendant des années. Et ce qui arrive aussi, c'est qu'on vous trace, on vous suit à la trace partout dans vos allées et venues sur Internet, même si vous n'êtes pas connecté à Facebook. Alors ça, c'est un sérieux problème à mon avis. Et puis là, on apprend dans un article ici que l'un des fondateurs, Mark Zuckerberg, a eu des discussions assez, je dirais là, assez spéciales là. Et puis ça a été révélé par The Business Insider ici. Et puis on apprend que bon, on apprend un peu comment que cette personne-là, Zuckerberg, pense. Alors vous avez finalement une petite conversation que je vous invite à aller voir, mais finalement vous apprenez que ce gars-là, il se fait demander bon, si vous avez besoin. En fait, il parle à son interlocuteur puis il dit, écoute, si jamais tu as besoin plus d'infos à propos de n'importe qui à Harvard, t'as juste à me le demander. Il dit, je possède environ 4 000 courriels, des photos, des adresses, et toutes sortes de messages comme ça. Et puis son ami, il répond, quoi? Il dit, comment que tu as pu avoir accès à ces informations-là? Et puis le propriétaire de Facebook dit, ben écoute, les gens ont juste transmis ces informations-là. Il dit, je ne sais pas pourquoi. Il dit, ils me font confiance. Et puis là, en anglais, il dit, écoutez, excusez pour le mot, là, mais il appelle les gens qui utilisent sa plateforme Facebook des dumb fucks. Alors, finalement, là, des sans-dessins, excusez-moi le mot, là, mais des crises d'épais, là, OK, dans le sens que les gens, finalement, ils donnent leurs données, leur information personnelle, et puis après ça, ce gars-là lui fait ce qu'il veut, il devient un peu comme le gérant de vos données personnelles. Alors, ben écoutez, si vous pensez que c'est positif, qu'il n'y a aucun problème avec ça, vous n'avez rien à cacher, et puis que c'est ça qui est l'important, que vous pensiez que ah, c'est rien à cacher, tout est beau. Si vous pensez qu'il n'est jamais rien arrivé de mal dans l'histoire avec des personnes sur lesquelles vous n'avez aucun contrôle, qui possèdent vos données privées, ben c'est bien beau aussi. Là, je veux dire, tant que vous vivez dans l'ignorance, j'imagine que hein, donc on ne dérangera pas ça, on vous laisse dans votre bulle, là. Alors, vous avez un autre article ici que Google admet. Vous savez, quand il circule dans les rues avec ses fameuses vidéos, là, donc on filme les rues en 3D, puis après ça, vous pouvez aller sur Internet, sur le site de Google. Et puis, tout simplement, aller carrément visiter des villes virtuellement. Là, vous pouvez avoir, comme si vous promeniez dans la rue, et puis voir ce qui se passe là. Et ce qui se passe, c'est que Google a admis qu'ils enregistraient aussi des transmissions de données par des réseaux Wi-Fi, en utilisant ces fameux, ce qu'on appelle des Street View Cars, là, les autos qu'ils utilisent là, pour filmer les rues. Alors, complètement criminel, vous n'avez pas le droit de faire ça, mais ça a été fait pareil. Alors, Google qui collecte toutes sortes de données comme ça, des informations via l'Internet sans fil, et puis on enregistre ces affaires-là, et puis on collecte toutes ces datas, alors ces données, et puis on les conserve. Alors, vous voyez, là, on fait fi de votre vie privée, et puis de votre droit à la vie privée. On accumule les données sur vous. Donc, on dit ici dans un autre article là, du Wall Street Journal que Google a déclaré que c'était une erreur, alors on n'aurait pas dû faire ça, mais qu'on a quand même gardé ces données-là depuis au moins 2007. Alors, ça fait maintenant presque 3 ans qu'on fait ça, mais c'est une erreur. Hein? Donc, C'est assez curieux de voir ces nouvelles-là qui sortent et puis de voir les gens qui réagissent pas, qui parlent, ah, ben, tu sais, qui haussent les épaules, disent c'est correct, c'est bien beau. Vous avez ici la FCC qui essaye de prendre encore plus de pouvoir. La FCC, c'est l'organisme qui régule l'Internet aux États-Unis. Alors, on essaye de faire en sorte là, qu'on s'accapare du pouvoir de gérer l'Internet, OK? Et puis après ça, ben, on peut s'attendre à ce que des dérives à ce moment-là, à ce que des compagnies, des corporations privées vont s'occuper d'instaurer ce qu'on appelle l'Internet 2 à deux vitesses et puis de juger du contenu, de vous autoriser à publier un certain contenu ou pas. Alors, donc ça, c'est une autre menace à l'Internet qui existe. Alors, un article à aller voir à ce niveau-là. Et on va y aller. Non, on va faire une petite pause. Et puis après ça, quand on va revenir de la pause, on va parler de cette fameuse nappe de pétrole qui s'échappe du volcan de pétrole sous le golfe du Mexique. Et puis des nouvelles assez déconcertantes, assez consternantes, je vais vous dire. Mais il faut faire le suivi de ça, ce qui risque d'être probablement la plus grande catastrophe pétrolière, la plus grande catastrophe écologique de tous les temps. Donc, on s'arrête et puis après la pause, on va avec le pétrole et on va aussi faire le reste là de s'ouvrir un petit tour du monde. Donc, on va parler un peu d'Asie, puis de trucs du genre et puis après ça, on va sauter vers le Moyen-Orient. Donc, on se retrouve très bientôt. Ça y est, vous êtes de retour à l'autre monde. François Marginot au micro sur les ondes de Choc FM. Écoutez, oui, la plus grosse catastrophe est en train de nous péter en plein visage. Grosse histoire incroyable. On essaie de cacher vraiment ce qui se passe sur place. Ce volcan pétrolier est tout à fait, je dirais. C'est une catastrophe, probablement une des pires qu'on va connaître. Et puis, espérons que c'est la dernière. Et puis, espérons qu'on va faire tout ce qui est en notre pouvoir pour s'assurer qu'on passe à d'autres choses que l'ère pétrolière. C'est un désastre total ce qui est en train de se passer. Vous avez un article ici, une série de photos du Boston Globe, des photos assez consternantes, assez spectaculaires, mais en même temps, comme je vous dis, quand même assez épeurante, inquiétante là, de ce qui se passe dans le golfe. Alors, vous allez voir des photos qui ne sont vraiment pas rassurantes et ben la chose se propage. Et puis, une des nouvelles les plus importantes de la semaine concernant ce désastre écologique, c'est que les images qui nous parvenaient de la surface de cette nappe de pétrole qui se propage aux côtes et qui risque d'atteindre très bientôt, même la Floride, on a des indices qu'on commence à retrouver maintenant des morceaux de pétrole là-bas agglutinés. Est une affaire assez incroyable et puis non seulement est incroyable, mais ne semble être que la face, la pointe visible d'une chose encore bien pire qui se déroule sous le niveau de la surface. Et vous avez plusieurs articles qui sont sortis cette semaine qui relatent le fait qu'on a découvert que, comme je vous disais, à la surface, la partie visible qui est là n'est qu'une infime partie de ce qui se passe en réalité. On a découvert que sous l'eau, à partir de l'embouchure qu'on a percée dans le fond marin, d'où s'échappe une quantité constante et régulière à très haute pression de pétrole et de gaz naturel, est en train de créer ce qu'on appelle un peu comme des bancs de fumée, entre parenthèses, mais c'est pas de la fumée, c'est-à-dire que c'est plus une image mentale dans le sens que le pétrole ne remonte pas directement à la surface. Ce qu'il est en train de faire, c'est de créer des immenses corridors. Et quand je dis immenses, là, on parle de plusieurs kilomètres de long par environ 1 à 2 kilomètres de large. Et est en train de créer des corridors énormes de pétrole et qui risquent évidemment de tuer, d'entraîner la mort de plusieurs espèces, d'une quantité incroyable de vie marine qui habite finalement le golfe du Mexique. Pointe de l'iceberg, on est en train de se rendre compte que les milliers de barils de pétrole qui s'échappent de là à chaque journée sont en train de créer une vraie catastrophe. Et puis, on a vraiment sous-estimé l'ampleur de cette catastrophe-là dans le fait que on ne voit pas réellement ce qui se passe là. On voit juste là, à la surface ce qui se passe là, mais on ne voit pas en dessous de l'eau les poches énormes qui sont en train d'être créées, des poches de pétrole qui sont en train de dériver, d'entraîner la mort comme je vous disais, de plusieurs espèces. Alors, on a vu des dauphins morts qui commencent maintenant à se cumuler sur les côtes des États-Unis. On a retrouvé du pétrole qui se rapproche dangereusement et puis qui ont atteint à certaines places la côte de la Louisiane jusque dans les Keys en Floride. Alors, on voit très bien là que la catastrophe est beaucoup plus grave que ce qu'on avait estimé au départ. Selon les différents experts, on parle des fois de 10 à 12 fois pire que ce qu'on avait analysé dès le départ. Ça pourrait être plus de 70 000 barils de pétrole qui s'écouleraient par jour au lieu du petit 5 000 barils par jour qu'on avait tout d'abord prévu et puis estimé. Alors, vous avez plusieurs articles à voir. Ici, un du New York Times, où on a des scientifiques qui disent que l'ampleur du déversement de pétrole, entre parenthèses, déversement, c'est du volcan de pétrole, a été vraiment sous-estimé. Vous avez ici un autre article qui parle de ces géants corridors de pétrole monstrueux qui sont en train de se créer, qu'on a trouvé, alors qu'ils sont en suspension dans le golfe du Mexique. Un autre article ici qui parle de la même affaire. Alors, vous voyez là, c'est quand même assez important. On parle ici des zones mortes qui pourraient continuer de grandir sous l'effet de cette incroyable pollution qui est en train de se produire. Alors, c'est évident que c'est à prévoir. Donc, différents articles qui parlent de ces zones mortes. Alors, vous avez littéralement des zones immenses, OK, parmi les plus grandes de la planète. OK, on a découvert différents différentes zones mortes comme ça dans différents océans du monde. Et puis, une des plus grandes de ces zones se trouve dans le golfe du Mexique. Alors, il y a fort à parier. Je crois qu'il est même assez clair que cette zone va prendre énormément d'expansion. Donc, vous avez plusieurs animaux morts qu'on a retrouvés aussi sur les berges du Mississippi. On a ici un autre article qui parle que le pétrole est déjà embarqué dans une boucle qui va amener avec les courants marins tout ce pétrole vers les côtes de la Floride. Alors, on a différentes évidences de ça qui viennent par des modèles par ordinateur et aussi des images satellites et aussi par des observations de témoins. Donc, ça, c'est, vous voyez, là, ça risque de se propager sur une vaste zone, risque de se propager dans l'océan Atlantique, et puis certains prévoient même que ça pourrait aller jusqu'aux côtes de l'Europe. On parle ici de négligence criminelle. On a un article ici très important, très bien sourcé, dont le Times of London, qui rapporte on savait déjà en anglais, ils appellent ça des blowout preventer. Alors, c'est des mécanismes de prévention pour pas que ça l'explose, OK? Alors, on avait différents mécanismes comme ça, et puis on en avait un qui avait été endommagé. On avait procédé à une mauvaise manipulation de cette plateforme-là. Alors, on n'a pas bien manipulé l'équipement et on a endommagé cet équipement-là, surtout celui de sécurité qui aurait normalement fait en sorte qu'on aurait pu éviter cette explosion catastrophique de la plateforme qui a coulé, alors le Deepwater Horizon. Et on savait très bien que la valve avait été endommagée puis qu'on avait mal opéré tout le système. Et les dirigeants ont décidé quand même de continuer malgré tout. Alors, on a décidé que c'était pas une grosse affaire, alors que on ne devait pas s'en faire avec ça. Alors que plusieurs experts ici, même certaines personnes qui avaient travaillé sur la plateforme, ont décidé que c'était carrément en contradiction avec la bonne procédure des choses, avec la façon de faire normale. Alors, ça aussi, là, c'est assez consternant de voir ça. Alors, on voit vraiment là qu'il y a réellement eu de la négligence criminelle et avec des catastrophes, avec des conséquences complètement catastrophiques. Ça, c'est évident. Alors, allez voir cet article-là, absolument crucial. On parle encore des dispersants chimiques ici qui pourraient augmenter les dommages qui vont être causés aussi par le pétrole. Alors, non seulement ces dispersants chimiques-là sont toxiques et puis n'aident pas réellement la situation parce qu'elles polluent aussi d'autant plus que le pétrole. Mais en plus, ce qui arrive, c'est que tout ce que ça fait, c'est que ça fait fragmenter les nappes de pétrole ou les gouttelettes de pétrole. Et puis, grosso modo, ce que ça fait, c'est que ça dissimule l'ampleur de la catastrophe. Alors, finalement, ça ne sert pas grand-chose, là, ces affaires-là. Donc, on dit qu'on devrait peut-être pas utiliser ces dispersants-là tant que les scientifiques n'aient pas réellement résolu, trouvé la question à savoir si ces choses-là réellement aident ou ben non, font en sorte que les choses deviennent pires. Alors, une vidéo ici, un scientifique là, qui parle que le pétrole risque d'atteindre encore les côtes de la Floride. Alors, vous voyez plusieurs experts qui parlent de ça. Ça revient à plusieurs endroits. Barack Obama qui a envoyé maintenant des experts dans le domaine nucléaire, okay, dont un des physiciens qui a été un des concepteurs, un des premiers à développer la première bombe à hydrogène dans les années 50, du nom de Stephen Chu, qui a été envoyé, en fait, c'est une équipe de 5 qui a été envoyée sur les lieux. Alors, on va essayer d'évaluer qu'est-ce qu'on peut faire rapidement pour boucher ce trou-là, ce volcan de pétrole. Alors, on est peut-être en train de considérer une option nucléaire, c'est-à-dire de détonner une bombe nucléaire dans le fond et puis faire en sorte qu'on détruise l'embouchure et de faire en sorte qu'on colmate cette brèche. Alors, vous voyez, on est rendu même en train de penser à utiliser des bombes nucléaires pour arrêter ça. Alors, je ne sais pas réellement si ça va être une aide là, ou si ça va tout simplement rendre les choses encore pires là. Mais je trouve ça assez extrême comme solution. Anyway, on les a envoyés là, on leur a donné la mission de trouver des solutions pour arrêter le flot de pétrole qui est en train de niquer le golfe du Mexique à la grandeur au complet. Donc, on parle ici d'éco-catastrophe d'Obama. Vous aviez Bush avec son Katrina qui avait fait vraiment mauvaise mine, qui avait très, très mal géré cette situation-là, et puis même que je crois que c'était fait de façon volontaire. Et puis là, dans cet article ici, on parle d'Obama qui est maintenant, qui tient en ses mains, qui a sur les bras, qui est responsable d'une catastrophe encore pire que celle de Katrina. Oui, c'est effectivement le cas aussi. Obama qui semble bien impuissant à faire quoi que ce soit, même que depuis cette fuite a déjà autorisé, je crois que c'est une affaire comme 32 ou 37 autres projets de drillage en eau profonde, alors sans faire d'études environnementales. Alors, même si vous avez cette catastrophe qui s'est passée, vous avez l'administration Obama qui a continué de permettre à des compagnies de forage pétrolier en haute mer de continuer à faire ces choses-là sans études d'impact environnemental. Alors, voyez un peu à quel point là que c'est ridicule. Je veux dire, c'est complètement débile de voir ça aller. Donc, voilà, vous avez un article ici de Global Research qui parle de la guerre contre le terrorisme pour mettre la main sur le pétrole. Alors, la folie de l'aventure impériale pour contrôler le pétrole qui risque aussi de sonner le glas pour l'humanité. Un article assez important à aller voir. Il dit on fait face maintenant à l'âge du pétrole et même à la fin de cet âge et aussi d'un effondrement systémique. On parle ici des leaders anglo-américains, de l'empire anglo-américain, qui se sont engagés finalement dans des jeux de violence en allant en augmentant et puis de transparence futile vers comme je vous disais, des jeux géostratégiques là, pour mettre la main sur le pétrole, pour amener de la corruption dans les gouvernements et puis aussi, je dirais, complètement là, faire en sorte que le système économique soit complètement sous la corruption et puis on se retrouve dans un modèle finalement, un modèle global corporatif, un modèle global capitaliste qui est complètement rongé par la corruption et je veux dire complètement axé sur une chose et une chose seulement, c'est les profits au maximum qu'on peut au détriment de la sécurité, au détriment de l'environnement, au détriment de tout le reste de la vie. Et c'est à peu près ce qui est en train de se passer. Alors, on aurait pu éviter cette catastrophe-là, mais écoutez, ce qui est important, c'est de faire de l'argent. Et puis, on est même prêt à ce moment-là, écoutez, là, à manufacturer des guerres, okay, au niveau de l'Empire pour arriver dans d'autres pays, un peu comme au Moyen-Orient. Et toutes sortes de tactiques comme ça pour faire en sorte qu'on domine la planète, mais avec quel résultat? Ben, avec le résultat qu'on est en train de s'autodétruire. Alors, un article très important ici, on parle ici peut-être de l'événement d'extinction. Oui, ça pourrait être assez grave ce qui se passe, dans le sens qu'on pourrait en souffrir énormément économiquement, mais surtout aussi là, au niveau de la vie, là, au niveau de la chaîne alimentaire, au niveau du futur, là. De quoi là, c'est un système qui est complètement hors de contrôle et puis qui est en train de porter ses conséquences de je dirais, de sa perte de contrôle, de sa perte de sens. Et c'est en train de se dérouler directement sous nos yeux. Donc, vous avez ici un article du National Geographic qui parle aussi de ces fuites de pétrole qui pourraient continuer à déverser du pétrole pendant des années. Alors, ça, c'est pas très rassurant non plus. Alors, un autre article ici, allez voir, on dit que les estimés les plus récents parlent de fuites qui rejettent dans l'océan au-dessus de 210 000 gallons par jour. Alors, on parle de 795 000 litres de pétrole par jour. Alors, imaginez les quantités complètement ahurissantes. Ça va continuer tout aussi longtemps que la réserve, elle, va contenir du pétrole. Alors, je veux dire que c'est loin d'être terminé. C'est pour ça que je dis pas un déversement de pétrole. C'est pas comme un cargo qui se déverse son pétrole, puis après ça, c'est terminé. C'est vraiment un volcan. C'est-à-dire que c'est la réserve du Macondo qui est en train de se vider dans l'océan. Alors, c'est de quoi, là, sans précédent. Puis, comme on vous dit, ça va pas être facile à arrêter, là. C'est comme si vous disiez là, que vous savez, là, dans le parc de Yellowstone, vous avez des geysers qui giclent sous grande pression, là. Hein, ça vient du sol, et puis vous avez des gaz et puis de l'eau sous pression bouillante qui sortent de là, qui ça gicle dans les airs. C'est comme si vous essayiez de mettre un bouchon sur ça. Ben là, imaginez qu'on essaye de faire la même affaire, mais non seulement on est en train d'essayer de boucher les trous avec une immense pression, mais là, on essaie de le faire avec 1,6 km d'eau en plus dans le fond de l'océan. Alors, sous la pression de toute cette eau-là, vous voyez un peu le défi technique là, à travers lequel là, on essaie d'opérer puis d'essayer de régler ce problème-là. Donc, plusieurs tentatives de BP qui n'ont pas eu de succès. On essaie différentes affaires et puis ça fonctionne pas. Comme je vous dis, c'est très, très difficile. On opère dans des conditions extrêmes et c'est un peu comme une première. On ne sait pas vraiment comment réagir à ça, là. Vous avez ici une personne qui a révélé que BP, finalement, était aussi au courant de ce qui se passait, comme je vous disais un peu plus tôt. On avait des informations que les systèmes de prévention puis de sécurité ne fonctionnaient pas, n'avaient été endommagés. Alors, vous avez un autre article ici qui parle de ça, très bien documenté. Donc, négligence criminelle encore. Un article ici de Press TV. On dit que les États-Unis ont laissé BP driller le fond du golfe sans permis, alors qui était en violation. J'en avais parlé un peu de la semaine passée. Alors, on donne des permis sans faire d'études écologiques, sans faire d'études de sécurité ou quoi que ce soit. Alors, on les laisse faire sans les permis nécessaires, les bons permis, les permis adéquats pour le faire. Et on opère. Et puis, ben après ça, qu'est-ce qui arrive? Ben, il arrive des catastrophes. Alors, qui va payer le prix? Ben, c'est le reste de la planète. Alors, vous voyez, c'est ça l'esprit d'entrepreneuriat, de corporation, d'entreprises privées, de multinationales qui n'ont à cœur que leur agenda à court terme de faire le plus de profit possible au détriment du reste de la planète. Je vous parlais aussi là, du plafond. BP dit qu'ils vont payer pour les dégâts, mais en réalité, leur responsabilité civile est limitée à 75 millions de dollars seulement. Alors, ça, c'est une risée. Ça, c'est des poignées de change. Okay? C'est du scaling, comme on appelle ici au Québec. C'est-à-dire, c'est vraiment là, du change dans le fond d'une poche pour eux autres, là, eux qui engrangent des milliards de dollars profit par semestre financier. Alors, on a essayé de faire en sorte qu'on monte ce plafond de responsabilité civile à plus de 10 milliards de dollars. Et vous avez un républicain de l'Alaska, une républicaine, je devrais dire, qui s'appelle Lisa Murkowski, qui a amené ses objections à ce projet-là et puis a fait tomber les tentatives de monter la limite de responsabilité des compagnies pétrolières à plus de 10 milliards de dollars dans les cas de catastrophes comme qui se produit là. Alors, voilà pour. Vous voyez, là, le secteur politique et puis le secteur corporatif qui fonctionnent à merveille ensemble, le bras dessous et puis qui travaillent finalement pour leur profit mutuel au détriment du reste de la population. Donc, il est évidemment légitime de se demander combien d'argent électoral cette personne-là a reçu pour voter contre la montée de la limite responsable de responsabilité civile des compagnies pétrolières en cas de désastre. Parlant de désastre, ben, ce n'est pas un, là, mais vous voyez que ces histoires de plateforme en haute mer-là, il n'y a rien de sécuritaire là-dedans. Ce n'est pas des accidents. Je dirais isolé, ça arrive régulièrement. Puis le fait est que ben, ça vient d'arriver à une autre plateforme, cette fois-là, de gaz naturel, une plateforme vénézuélienne qui a coulé dans la mer des Caraïbes. Et ça a été rapporté par BBC News. Alors, vous avez 95 travailleurs qui ont été évacués de façon sécuritaire. Alors, on a un système cette fois-là qui a bien fonctionné. Alors, apparemment, qu'il n'y aurait pas eu de déversement ou quoi que ce soit, il n'y aurait pas de fuite dans l'océan, mais vous voyez que ça arrive, c'est des choses qui arrivent et puis c'est une business risquée, quoi. On va tomber un peu ici dans l'état policier. Vous avez Joe Lieberman aux États-Unis qui a son agenda dictatorial état policier qui essaye de voler les droits constitutionnels des Américains. Alors, j'en ai parlé aussi un peu ça la semaine passée. On essaye de faire en sorte qu'on va passer un nouveau projet de loi qui va faire en sorte, ça c'est supporté aussi par John McCain, qui est un des personnes qui s'est présenté à la course présidentielle durant les dernières élections américaines, qui s'est proposé pour cette affaire-là. Alors, on essaie de faire passer un projet de loi qui s'appelle The Enemy Belligerent Interrogation, Detention and Prosecution Act. Qui fait en sorte que si on accuse même un citoyen américain de crimes de terroristes, Eh bien qu'alors là, il n'aura pas le droit de recevoir les protections de la Constitution. Alors, voyez, on est en train de mettre là, la Constitution aux États-Unis à la poubelle, on est en train de mettre le feu dedans. On fait fi des droits et libertés des Américains et de la Constitution qui est censée être la loi suprême du territoire. Et ben voilà qu'on est en train tout simplement d'abandonner l'ordre de la loi. On est en train d'abandonner la Constitution aux États-Unis, en train d'instaurer un système dictatorial et qui est carrément objectif et arbitraire. Alors, quand vous allez avoir le gouvernement, il va considérer quelqu'un, peut-être un dissident politique ou peu importe, comme étant un ennemi d'État. Zap, on va l'étiqueter d'ennemi combattant ou de terroriste. Et puis, à ce moment-là, cette personne-là n'a plus aucun droit constitutionnel. Alors, on peut l'enfermer à Guantanamo, le torturer, faire ce qu'on veut, lui faire avouer toutes sortes de crimes. Il peut, après ça, justifier l'arrestation de cette personne-là par l'État. Donc, voyez un peu là, dans quel cycle là, dans lequel on s'embarque. Alors, voilà, c'est ce qui se passe aux États-Unis, c'est incroyable. Dans une autre nouvelle, ici, on apprend dans les médias traditionnels qu'on admet que la guerre contre la drogue n'a rien fait pour changer les choses durant les 40 dernières années. Alors, une guerre contre la drogue qui est complètement inutile. Ça, c'est pas la première fois qu'on en parle, mais c'était une autre étude ici. Ça a été rapporté par Yahoo News. On parle de cette longue guerre que les États-Unis ont menée contre la drogue et qui n'a jamais rencontré, qui n'a jamais finalement accompli aucun de ses buts. Donc, une guerre qui a coûté plus de 1 trillion de dollars, on parle de 1 000 milliards de dollars, et qui a aussi coûté, qui a fait en sorte que des centaines de milliers de personnes, de vies ont été détruites. On a mis, avec cette loi de politique zéro, des quantités incroyables de personnes sous les verrous des compagnies de prison privées. Alors, vous voyez aussi, là, ça, c'est profitable. Alors, plus on a de prisonniers, ben plus on profite. Et puis, l'État, son rôle devient tout simplement de légiférer et d'envoyer des gens en prison. À ce moment-là aussi, on élimine les couches de la société qu'on juge les plus susceptibles de se rebeller à un gouvernement hors de contrôle. Alors, les personnes qui souffrent le plus, les pauvres, et puis ainsi de suite. Alors, c'est évident qu'on retrouve dans les prisons américaines des taux complètement aberrants, disproportionnés de latinos et puis de noirs comparés aux blancs. Alors, ben oui, c'est comme ça que on éloigne une frange de la population, une partie de la population finalement, qui pourrait causer bien des problèmes, bien des maux de tête au gouvernement. Alors, de cette façon-là, on les met en prison. Et puis là, ben, on a encore une fois la preuve que cette guerre-là contre le terrorisme est complètement inutile, ne sert à absolument rien. Donc, on continue ici. Vous avez l'administration Obama qui cible les militaires pour des réductions de salaire. Alors, on manque d'argent. Ça a été rapporté par Newsmax, le président Obama qui veut baisser l'argent qu'on va donner aux soldats. Alors, ce personnel militaire-là, on l'envoie se battre, se faire mutiler, puis se faire tuer dans les guerres. Et puis, tout ce qu'on fait, c'est donner de plus en plus d'argent aux mercenaires privés, au secteur privé, au complexe militaro-industriel. Et puis, les bons soldats qui vont se battre là-bas, les pauvres, non seulement ils vont se battre là pour rien, dans des guerres à partir des mensonges, mais en plus, on coupe leur salaire, on fait tout vraiment pour rendre la vie assez difficile et puis vraiment pas les honorer, ça c'est assez évident. Et un autre article de Global Research qui parle de la militarisation de l'espace. On parle de guerriers de l'espace du Pentagone. Alors, on est en train de déployer tout un appareil militaire dans l'espace. Ça aussi, ça a été rapporté par le New York Times via le général Lance W. Lord, un ancien général de l'armée, et qu'on déclare ici que la Air Force cherche à assumer une supériorité de l'espace. Et que bien que ce n'est pas si vous voulez, leur droit de naissance de faire ça, que c'est par contre la destinée des États-Unis d'assumer la supériorité de l'espace. Alors, voyez un peu là où c'est qu'on s'enligne avec ça. Alors, les États-Unis sont en train vraiment d'utiliser l'espace pour asseoir leur hégémonie militaire. On va terminer rapidement avec quelques petites nouvelles diverses. Vous avez un hélicoptère mexicain qui a été pris à survoler au-dessus du territoire américain au Texas, au-dessus du pont de Roma. Alors, bon, évidemment que ça ne vous dirait pas grand-chose, là. C'est une région, là, comme je vous dis, au Texas. Alors, C'est pas la première fois que ça arrive. Vous savez, si on parle d'hélicoptères militaires mexicains ici, là, c'est la troisième fois que ça se passe dans l'espace de 2 mois. Et puis, vous avez les gens de la protection des frontières qui ont confirmé que des officiers ont répertorié un hélicoptère militaire mexicain voler au-dessus du territoire américain. Alors, voyez, ça, c'est assez curieux, là. Je veux dire, on parle là, d'espace aérien là, américain qui est envahi par une autre nation, ce qui normalement n'est pas une chose qu'on prend à la légère. Alors, on a affaire à un État complètement là, en faillite au Mexique aussi, hein. Il ne faut pas se leurrer, là. Je veux dire, ça va très, très, très mal au Mexique. Vous avez eu une chaîne humaine qui a été formée par 17 000 Japonais autour de la base militaire américaine à Okinawa, Japon. Alors, ça fait quelques émissions que j'en parle aussi. On n'arrête pas de manifester et puis on est en train de se rendre compte que si le gouvernement japonais ne fait rien par rapport à ça, si la situation ne rentre pas dans l'ordre, si on ne fait pas quoi que ce soit pour sortir cette base militaire-là, que le gouvernement de Hato Yama et puis son administration risquent de perdre les élections la prochaine fois que ça va se présenter, ça c'est évident. Il y a à Séoul aussi on est sur le point d'accuser formellement la Corée du Nord d'avoir fait couler un de leurs bateaux militaires de la marine. Alors, vous avez entendu parler de ça il y a quelques semaines, un bateau de la marine militaire de la Corée du Sud qui a été coulé, et puis on a cru à un accident, et puis là, finalement, on a apparemment déterminé que ce serait la Corée du Nord qui aurait fait ça. Alors, ça reste à savoir si c'est bel et bien le cas. Une chose qui est certaine, par contre, c'est que dans une situation aussi tendue, un moindre événement, un moindre accident pourrait réellement se détériorer très rapidement là, et probablement entraîner des choses je dirais assez laides, là. On pourrait assister à un conflit militaire là, qui pourrait se déclarer en l'espace d'une étincelle. Parlant d'étincelles, ben c'est en Thaïlande aussi où c'est que ça brasse énormément. Vous avez ce qu'ils appellent les Red Shirts qui essayent de renverser leur gouvernement sur lequel ils ne sont pas d'accord. Et puis là, c'est une autre histoire aussi de déstabilisation. Vous savez, la Thaïlande, c'est un État client des États-Unis. Obama d'ailleurs qui a refusé de condamner quoi que ce soit qui se passe là-bas. Et puis, on est en train de faire en sorte que le peuple thaïlandais, qui était fortement unifié jusqu'à date historiquement, soit divisé. On est en train de carrément là, entraîner la déstabilisation de la Thaïlande. Et à quelle fin? Je laisse penser à ça. C'est sûr qu'on a avantage à déstabiliser plusieurs pays. On veut instaurer comme je vous disais, cette gouvernance économique, cette gouvernance globale, et puis on essaie de le faire de différentes façons. La Thaïlande qui avait été aussi un coup de théâtre, avait été l'objet d'un coup de théâtre dans les années 98 où on avait fait carrément s'écrouler l'économie de plusieurs pays, plusieurs nations de l'Asie. De façon artificielle encore là, donc on est en train d'opérer une autre affaire du même genre. Alors malheureusement, les Thaïlandais qui sont en train de se diviser entre eux pour rien et puis qui risquent finalement de laisser la porte grande ouverte à ceux qui veulent en profiter. Alors là, ce qui arrive, c'est que vous avez un face-à-face qui est en train de se faire, et puis là, l'armée thaïlandaise vient de déployer dans les rues à Bangkok, et on parle de plus de 30 000 troupes là, qui ont pris position dans les rues de Bangkok, et puis là, on commence même à tirer avec des munitions, des vraies munitions. Alors ça aussi, ça risque d'être assez laisse, ça continue à dégénérer de cette façon. Bon, là, pour ça, donc, on va revenir après la pause et puis on va parler un peu de Moyen-Orient et puis d'économie. Donc, on se retrouve tout de suite après. Thank you. My red eyes can see where you're coming from. Oh, the nature of the boy is the nature of the man. Whoa. I and I slide from detector squad. I and I gonna jump down this Babylon. We bring surprise with the magic potion. I and I feel the rhythm. I and I feel the rhythm. Popo man rolling patrol your section. Whoa. We in disguise from his attention. Whoa, hey, yeah. I and I slide from detective squad. I and I gonna jump down this Babylon. We bring surprise with the magic potion. I and I feel the rhythm. I and I feel the rhythm. I and I feel the rhythm. I and I feel the rhythm. Yes, your future rhythm, yeah. Oh, yeah. My red eyes can see where you're coming from. Nature of the boy is the nature of the man. Whoa, yeah. I and I slide from detector squad. I and I gonna jump down this Babylon. We bring surprise with the magic potion. I and I feel the rhythm. I and I feel the rhythm. I and I feel the rhythm. I and I feel the rhythm. De l'émission, je vais passer à peu près 5 minutes sur la situation du Moyen-Orient, puis après ça, on va terminer avec un petit 10 minutes sur l'économie. Méchant dossier, encore là une fois, on va essayer d'en parler un peu comme ça toutes les émissions pour essayer de l'égrener peu à peu. Écoutez, on va y aller avec le Moyen-Orient, comme je disais, pour le départ rapidement, pour vous résumer un peu ce qui se passe là-bas. L'Irak, écoutez, il se passe pas mal d'affaires là-bas. Vous avez le Sénat américain qui a approuvé encore plus d'argent pour la guerre en Irak et en Afghanistan. On parle d'une appropriation de 33,5 milliards de dollars pour ces guerres. Alors, pas d'argent pour les Américains, mais vous avez énormément d'argent toujours pour les guerres. Alors, ça, c'est une constante. Obama qui est en train de jeter aux poubelles son plan de retirer les troupes de l'Irak. Alors, si vous étiez des auditeurs ici de l'émission régulier, vous savez que ça fait longtemps que je vous dis qu'on ne va pas se retirer de l'Irak et puis toutes les excuses sont bonnes. Alors, on va continuer à occuper ce pays-là pendant des années à venir. La violence qui explose en Irak, alors ça aussi, les Américains vont se servir de ça pour justifier leur présence en disant, écoutez, là, ça devient encore assez difficile là-bas, donc il faut rester sur le terrain. Alors, quand je dis violence, bien écoutez, vous avez ici une nouvelle, on parle de 84 personnes qui ont été tuées dans des attaques à travers l'Irak. Alors, ça, c'est juste dans les dans les derniers temps. Alors, on parle des dernières semaines. Donc, toujours plus de progrès en Irak, à ce que vous pouvez voir depuis 2003. On a un retour ici de la milice de Mahdi. Alors, ça a été publié par Uruknet, où on apprend que l'atmosphère de la guerre civile est en train de renaître. On a eu des élections. Les gens sont pas d'accord avec ça. Vous avez Muqtadar al-Sadr qui a rappelé pour réorganiser la milice. Alors, on fait face ici à une résurgence de la guerre civile assez sanglante en Irak. Al-Maliki qui va perdre sa job avec les nouvelles ententes qu'il y a eues entre le clerc Muqtada al-Sadr et puis d'autres groupes. Alors, vous allez voir encore plus d'instabilité apparaître en Irak dans les temps à venir. Vous avez encore ici des nouvelles de guerre civile entre ce qui pourrait arriver entre la milice de Muqtada al-Sadr et puis le premier ministre irakien Nouri al-Maliki. Vous avez plusieurs situations d'instabilité qui se pointent. Il y a les rebelles kurdes aussi qui ont attaqué différents postes de surveillance. Alors, ça a été rapporté par la BBC. Il y a beaucoup de brasses camarades qui se passent là-bas et puis ça risque de réenflammer l'Irak. Un article ici de Global Research qui pose la question de savoir qui bombe en Irak. Alors, est-ce l'Al-Qaïda, est-ce la CIA ou Israël? Un article très intéressant à aller voir. Vous allez voir que c'est peut-être pas nécessairement tout le temps non plus les Irakiens qui font le trouble là-bas. Alors, vous avez des événements qui sont créés pour justifier la présence, l'occupation militaire étrangère. Un autre article ici de Uruknet où on parle apparemment d'un chef de l'Al-Qaïda en Irak qui aurait été capturé, tué, qui n'a jamais existé, qui a recapturé et puis tué de nouveau. Alors, voyez aussi là la façon qu'on joue avec les nouvelles, on essaie de vous faire croire un paquet d'affaires et puis vous avez certains leaders d'Al-Qaïda comme ça qui sont partout, qui font de la magie. Donc, on les arrête, on les tue, après ça, ils réapparaissent, on les arrête une autre fois, après ça, on apprend qu'ils n'ont jamais existé. Donc, voyez beaucoup de désinformations aussi dans ces gares-là. Alaoui qui avertit d'une nouvelle guerre civile en Irak. Donc, ça aussi, c'est une autre nouvelle qui parle de cette histoire de déstabilisation du pays qui a cours en ce moment. Une vidéo aussi sur YouTube, allez voir, un vétéran qui parle des assassinats, des meurtres collatéraux. Alors, vous avez Josh Stieber, qui est un ancien soldat et qui a décidé de s'ouvrir, parler un peu de ce qu'il a vu là-bas. Donc, vous avez vu des tueries qui ont été faites de façon aléatoire là-bas. Alors, il en parle un peu. Il parle du protocole militaire et de la façon que les lois d'engagement, les règlements d'engagement, les règles d'engagement, alors, c'est-à-dire quand on ouvre le feu, ont été changées. Vous avez même des généraux dans une autre nouvelle qui parlent de quelle façon on a carrément dit aux troupes d'ouvrir le feu et puis qu'on s'occupera du reste plus tard. Donc, plusieurs nouvelles comme ça là qui sont quand même assez importantes à aller voir. Vous avez encore là ici un clerc qui a décidé de lancer un appel à l'unité contre les Américains. Alors ça aussi là, c'est pas un bon signe pour l'occupation américaine. Alors il n'aurait juste qu'à quitter le pays, ça serait aussi bien. Vous allez aussi trouver un article qui parle des chiffres qui pourraient aussi vous surprendre. On apprend que les États-Unis ont 341 installations militaires sur le territoire irakien. On a 263 000 soldats. On a aussi des gens dans ce chiffre-là qui appartiennent du département de la défense, des civils. Vous avez des contracteurs privés au nombre de plusieurs dans ce chiffre-là, à peu près la moitié. Donc, vous avez au-dessus d'au moins 100 000 contracteurs privés dans ce pays-là. Vous avez 83 000 containers, vous avez 42 000 véhicules, 3 millions d'items d'équipement et puis environ 54 milliards de dollars d'équipements qui sont en Irak. Alors, évidemment qu'on ne va pas se retirer là demain matin, OK? Vous allez comprendre là qu'on est là pour rester longtemps et puis l'équipement sur le terrain aussi en parle, OK? Donc, ça, c'est une autre nouvelle assez importante. 7 millions d'Irakiens qui existent maintenant sous la ligne de la pauvreté. Alors, on voit encore là le progrès en Irak. On voit vraiment qu'on a aidé cette société-là, ce pays-là. On parle des jeunes ici qui sont estropiés par des bombes qui n'ont pas explosé. Alors, des bombes qu'on a larguées un peu partout et puis après ça, explosent plus tard. Évidemment que ça tue des personnes, ça fait beaucoup de dommages. Gordon Brown qui a payé pour lui, des armes à uranium appauvri qui causent encore actuellement des déformations à la naissance de des enfants. Une vidéo à aller voir. Et puis des évidences que l'uranium appauvri est une arme avec l'intention de perpétrer un génocide. Alors, c'est des armes génocidaires, les armes à l'uranium appauvri. Pakistan, rapidement, vous avez des nouvelles ici qui parlent que des centaines de personnes ont été tuées avec les attaques, avec les drones que les Américains font dans ce pays-là. J'en ai parlé beaucoup la semaine passée. On parle ici de 700 civils qui ont été tués l'année dernière dans 44 attaques distinctives par drone, alors perpétrées par l'administration Obama. Donc, Obama qui est à la tête d'une nouvelle guerre au Pakistan. Donc ça c'est énormément, vous savez, dans les quatre derniers mois de cette nouvelle guerre, les États-Unis ont déjà lancé 40 attaques et tué plus de 268 personnes. On parle de des innocents, ok, donc des gens qui ont absolument rien fait, on voit là, puis on les canarde, on les détruit, on les tue. Et vous avez ici une nouvelle qui montre le Parlement pakistanais qui est pour couper le pouvoir de Zardari qui est à la tête le président du Pakistan. Alors ici, dans cette nouvelle, on se demande à quel niveau ça risque d'influencer la présence militaire américaine. Et puis, ne vous leurrez pas aussi, les États-Unis engagent des firmes privées comme Blackwater pour faire leur boulot sale à l'intérieur du Pakistan, de lancer ces guerres-là. En Syrie, vous avez la Turquie qui a pris des décisions et puis de positionner des missiles pour repousser des incursions aériennes israéliennes dans leur espace aérien. Alors ça, c'est une nouvelle très intéressante. Pourquoi? Parce que vous avez de plus en plus Washington et surtout Tel Aviv qui pensent à attaquer la Syrie, l'Iran et puis le Liban avec le Hezbollah. Vous avez la Syrie qui s'est tournée et puis demandait à la Russie de discuter, de se pencher sur le cas d'Israël. Et vous avez Dmitri Medvedev, qui est le président russe, qui a fait les têtes d'affiche dans les journaux et puis tout, parce que il s'est rendu en Syrie. Et puis la dernière fois que ça s'est passé, c'était vers la fin de la révolution bolchevique en 1917. Alors, c'est vraiment une visite historique. Et c'est une façon pour la Russie de dire à Israël de ne pas attaquer la Syrie, finalement, de dire qu'écoutez, nous, on est là, on est derrière, donc si vous attaquez la Syrie, il va falloir que vous nous considériez, nous, dans la photo. Donc, il va falloir que vous considériez que la Russie ne va pas rester là sans rien faire. La Russie qui a vendu des avions de guerre, d'ailleurs, à la Syrie, puis des systèmes de défense aérienne. La Russie aussi qui va fournir la Syrie avec plusieurs armes, alors des coopérations militaires. Alors un message très clair de la part de la Russie envers les États-Unis, Israël, qui dit ne pensez même pas à partir en mésaventure militaire en Syrie ou en Iran. La commission trilatérale qui veut plus de guerre en Iran, vous avez des révélations très importantes ici, des gens de la commission trilatérale qui finalement ont laissé échapper que ces gens-là étaient prévus. Et puis, non seulement prévoyait, mais préparait une guerre autant en Iran que dans les pays avoisinants. Et puis, en dernier cas, vous avez l'Iran aussi, l'Iran qui reçoit tout le temps de plus en plus de pression de l'Occident et puis d'Israël, surtout pour, apparemment, pour arrêter un programme militaire nucléaire qu'ils n'ont pas. Alors, ça va être assez difficile à arrêter, quelque chose qui n'existe pas. Mais, quel qu'il en soit, les États-Unis puis l'Israël continuent à mettre énormément de pression, à menacer l'Iran même d'attaques nucléaires et puis de sanctions économiques. Et le truc est que là, l'Iran est rentré en accord avec le Brésil. Et puis, ce qui va arriver, c'est que le Brésil et la Turquie, et puis on va faire en sorte qu'à ce moment-là, c'est ces deux pays-là qui vont aider à produire, à fournir l'uranium à l'Iran. Donc là, vous avez la Maison-Blanche et puis Tel Aviv qui hallucine bien raide, excusez-moi, là, mais ils hallucinent ces gens-là parce que là, ils savent qu'ils ne peuvent plus, ils n'ont plus de justification pour attaquer l'Iran. L'Iran qui se plie à toutes les exigences, qui fait tout pour être considéré. Et puis, vous avez l'attitude très rébarbative de la Maison-Blanche qui refuse toute entente avec l'Iran, même si l'Iran fait tout pour être conciliant. Alors, on a décrit cette entente-là comme étant trop tard, trop peu trop tard. Et puis, Clinton qui est sorti qu'on devait maintenant y aller avec des sanctions, des résolutions contre l'Iran. Alors, ces gens-là, vous voyez, c'est des gens qui aiment la guerre. Il n'y a plus qu'un parti politique à Washington et Israël. Ce sont des partis de la guerre. On veut partir de la Troisième Guerre mondiale, coûte que coûte. Alors, allez voir ça, là, la multitude de nouvelles, les États-Unis qui repoussent les efforts diplomatiques de l'Iran, peu importe qu'est-ce que l'Iran fait. Alors, le message est assez clair, c'est que tout, peu importe ce que vous allez faire, ça ne va jamais être assez. Nous, ce qu'on veut, c'est partir en guerre. D'ailleurs, les États-Unis ont tourné leur machine de surveillance et d'écoute électronique contre le Brésil et la Turquie. Donc, vous voyez, là, c'est assez clair, hein, le message est assez clair. Alors, donc, allez voir ça. Et puis, bon, on va terminer très rapidement avec l'économie. L'économie, vous avez un article ici. On parle de, on montre les différentes chartes, les différents graphiques où on voit le déficit fédéral des États-Unis depuis 1901 jusqu'à 2010. Et vous allez voir qu'il y a à peu près aucun déficit budgétaire entre, on remonte là à 1901 jusqu'à environ les années 70, alors qu'on fonctionnait avec les talons or où on ne pouvait pas imprimer de l'argent autant qu'on voulait, quoique c'était déjà un peu comme ça. Mais on voit que les choses tournent au vinaigre assez rapidement après les années 70 lorsqu'on abandonne les talons or. Ça ne veut pas dire que c'est la solution à tous nos problèmes. Le truc, c'est qu'en ce moment, c'est que les banques centrales qui sont détenues par des banquiers privés possèdent un système dans lequel on fonctionne en créant de l'argent à partir du vide, donc le système fractionnaire bancaire. Et puis, on imprime de l'argent. Et puis, ce qui arrive, c'est que ça crée énormément de pertes de valeur avec ces dollars-là. Ça crée de l'inflation. Et, ben écoutez, là aussi, il ne faut pas oublier que mener des guerres à outrance et puis payer des plans de sauvetage et puis tout le kit, là, ça coûte excessivement cher. Et puis, vous allez voir les différents tableaux où on voit la courbe descendre dans un précipice assez sec. Et les États-Unis qui sont en banqueroute là, à toute fin pratique. D'ailleurs, vous allez trouver un lien pour aller voir les horloges de dette, si on veut. Alors, vous voyez les chiffres qui tournent en temps réel des dettes cumulatives des États-Unis puis du Canada. Vous allez voir que les États-Unis sont profondément en dette. Là, on parle d'une dette totale, là, si on accumule la dette des consommateurs, la dette des cartes de crédit, les dettes personnelles, les dettes d'hypothèque et puis aussi les dettes de l'État. Alors, vous avez un total absolument épeurant de 55 trillions de dollars. Ou si vous voulez, 55 000 milliards de dollars de dettes aux États-Unis. C'est évident qu'on ne va jamais sortir de ce trou financier-là. C'est en une direction unique. C'est un one-way, c'est un cul-de-sac, ça c'est évident. On s'en va vers une banqueroute totale de nos pays. La dette du Canada qui continue, elle aussi, de rouler, une dette totale au Canada, une dette fédérale de 521 milliards de dollars, alors sur laquelle on paye des intérêts absolument débiles. Ça revient à 15 000 dollars par canadien, imaginez là. Donc, c'est des dettes astronomiques. 521 milliards de dollars qu'on doit, ça coûte cher et puis ça nous met dans le trou, ça nous coûte énormément de bidou. Chers Québécois, chers Canadiens, les intérêts sur la dette publique nous coûtent 170 millions de dollars par jour. 170 millions de dollars par jour. Après, on se demande pourquoi on a des déficits et on est dans le trou. Alors, on s'arrête là-dessus pour cette semaine. On va continuer sur cette lancée-là. La semaine prochaine, on va parler en plus en profondeur de ces 170 millions de dollars d'intérêt que ça nous coûte sur la dette, des conséquences de cette dette-là sur les finances, de la façon qu'on veut tout privatiser. Et on va entamer encore plus le dossier de l'économie. Je dis ça à chaque semaine, mais écoutez, les nouvelles, comme je vous dis, l'émission est pas assez longue. Alors, pardonnez-moi. On va revenir la semaine prochaine sur l'économie. Alors, moi, je vous salue bien bas. C'est tout pour cette semaine. Et puis, on se retrouve dès la semaine prochaine. Alors, c'était François Marchand pour L'Autre Monde. Ciao!